Bonjour, voici le 51e épisode du podcast des Nous. Ce podcast est recommandé uniquement à ceux qui ont un cerveau d'enfant. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Cette semaine, je vais vous parler de Trails of Cold Steel. Ça peut peut-être sembler étrange, vu ce dont je parle habituellement, mais pourquoi des jeux vidéo ne pourraient pas être des œuvres? Donc, Trails of Cold Steel est une série de 4 RPG qui dure des centaines et des centaines d'heures. Pour le moment, je n'ai joué qu'aux 2 premiers et je n'ai pas l'intention de me lancer dans les suivants tout de suite. Ce sont de très longs jeux et je viens à peine de terminer le second avec des parties de plus d'une centaine d'heures pour chacun des 2 jeux. Ce sont des RPG japonais assez classiques, avec système de combat au tour par tour via des menus, avec de l'équipement, des statistiques et tout ça. Par contre, je dois avouer que c'est étonnamment assez bien réglé, sans avoir abusé de level-up, contrairement à d'autres JRPG, simplement explorer les endroits en évitant de fuir les combats nous donne un niveau suffisant. Le système de combat pour le genre est particulièrement réussi, bien rythmé, utilisant bien les divers éléments ou techniques de combat, avec un lien en combat entre les personnages ayant plusieurs impacts, notamment la possibilité fort sympatoche de pouvoir suivre une attaque par une autre attaque par un autre personnage quand la première a été particulièrement efficace. Il est important de balancer tous les personnages pour éviter de se retrouver dans la merde dans certains moments où on utilise plusieurs équipes de personnages. Mais ce n'est aucunement un problème, ça me semble la chose logique à faire, même si bien sûr je privilégiais les personnages que j'apprécie le plus et ou les plus utiles. Certains boss sont chiants, mais c'est un RPG, un vrai, qui crée des combats différents contre des ennemis qui ont leurs différents points forts et points faibles. L'histoire est intéressante et a suffisamment de retournements pour nous surprendre par moments, même si bien sûr il y a parfois de l'abus ou si parfois c'est prévisible. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce jeu, et qui m'a donné envie d'y jouer, en plus d'un gameplay bien balancé et d'un style sympathique, bien qu'un peu trop militaire à mon goût, ce sont les personnages qui sont très attachants, avec diverses personnalités et l'interaction que l'on peut avoir avec eux. Ce n'est pas un persona, mais le fait d'utiliser les quelques moments où le protagoniste peut passer du temps avec l'un ou l'autre personnage permet d'améliorer le lien en combat et surtout, plus important, permet de voir des cutscenes bien amusantes et parfois des moments touchants. Par contre, cette série de jeux n'est pas sans aucun problème technique. Il peut y avoir des bugs fâcheux. Dans mon cas, le jeu a planté à la toute fin du second jeu. Pour avoir vérifié sur YouTube, je n'ai manqué que le fade de la toute dernière image du jeu, mais c'est très fâcheux. Heureusement que, pour l'avoir vérifié sur le net, le troisième jeu ne reprend pas la sauvegarde du deuxième jeu, parce qu'après cela, je n'avais pas du tout envie de me retaper le boss de fin et toute la cinématique finale. J'ai la flemme et j'en suis trop fâché. Ça aurait pu être pire. En me renseignant sur le net, j'ai vu qu'il s'est arrivé à d'autres gens pendant le combat contre le boss, au milieu de la cinématique de fin, ou en divers autres moments du jeu, et cela même parfois à plusieurs reprises dans une même partie. Il semble que le développeur n'ait clairement pas suffisamment débogué le deuxième Trails of Cold Steel. Et le fait que ce ne soit pas un des plus grands joueurs de l'industrie du jeu vidéo ne pardonne rien à cet effet, selon moi. Des bugs qui font planter le jeu ou qui rendent le jeu injouable constituent un problème très sérieux. N'est-il pas? CD Projekt Red, studio dernière, Cyberpunk 2077. Si jamais il y a des gens qui m'écoutent et ne connaissent pas Cyberpunk 2077, renseignez-vous, c'est à la fois tragique et comique ce jeu, que personnellement je refuse d'acheter tant que 1. Il n'est pas entièrement débogué et jouable sur PS4 de base. 2. Il ne ressort pas physiquement sur disque en version corrigée, car non, je ne vais pas acheter ce truc et m'infliger de téléchargement d'un milliard de patchs de 3 tonnes de gigaoctets chacun. 3. Il n'est pas soldé, parce qu'il ne faut pas charrier non plus. Je ne paierai certainement pas plein prix pour la version corrigée d'un jeu sorti 40 ans plus tôt dans une version pas finie. Déjà que je n'achète quasiment jamais des jeux plein prix lors de leur sortie. Revenons à nos moutons étudiants militarisés, parce que ceci n'est pas une critique de Cyberpunk 2077, mais mon avis sur les deux premiers Trails of Cold Steel. On contrôle dans ce jeu les étudiants d'une classe spéciale d'une école militaire dans un univers fantastique et technologique, bien construit, fruit de jeux précédents. Tout au long du premier jeu, on aura à explorer diverses régions de la nation où l'action se déroule, en essayant d'y régler divers petits et grands problèmes, tout en apprenant à comprendre les enjeux locaux, notamment militaires et politiques. Le deuxième jeu le permet aussi, mais dans un contexte fort différent. Et avec tout cela, les personnages apprennent à se connaître, leurs réactions évoluent. Pour des raisons personnelles, j'ai dû prendre une très longue pause à un moment spécifique du deuxième jeu qui m'affectait trop, malgré que je sois passé directement du premier au deuxième. Difficile de s'interrompre vu comment se termine le premier, mais cela démontre à quel point ces jeux sont forts et efficaces. Une bonne histoire remplie d'émotions avec des personnages très attachants. L'univers existait déjà avant. Après tout, cette série est dérivée de la série des Trails, qui elle-même est dérivée de la série des Legend of Heroes, qui est elle-même dérivée de la série des Dragon Slayer. Neon Falcom est un des plus anciens développeurs japonais de JRPG et JARPG, les RPG japonais et les Action RPG japonais, avec les classiques pour ordinateur Dragon Slayer en 1984, Dragon Slayer 2 Xanadu, en 1985, et Ease, en 1986, avant même que le genre n'apparaisse sur console avec Dragon Quest et Legend of Zelda, en 1986. Mais bien peu de leur production n'a été traduite pour l'Occident. Après le succès de Dragon Slayer de Legend of Heroes, sorti en 1989, les Legend of Heroes remplaceront assez vite les Dragon Slayer avec des sous-séries de quelques jeux, dans du RPG classique plutôt que du ARPG, contrairement à bon nombre de Dragon Slayer. Les Trails remplaceront cette dernière série dans un nouveau millénaire, avec toujours des sous-séries en quelques jeux RPG classiques, mais cette fois-ci dans un même univers avec la trilogie Trails in the Sky, le diptyque Trails from Zero, Trails to Azure, la tétralogie Trails of Cold Steel dont je parle ici, le jeu Trails into Reverie servant d'épilogue aux deux précédentes sous-séries, et une autre sous-série dont la sortie est prévue pour cette année 2021, au moment où j'enregistre. Un peu mécontent de la fin du premier Trails of Cold Steel, ayant à l'époque l'intention de prendre une pause entre les deux jeux pour faire d'autres choses, comme regarder des séries ou jouer à d'autres jeux, j'ai fait une recherche qui m'a permis de savoir, sans aucun détail, parce que je n'aime pas les spoilers, que les deux premiers jeux se suivent directement, mais que les deux autres concernent de nouveaux personnages, même si bien sûr des personnages des premiers jeux y apparaissent, ce qui m'a permis de me lancer dans le second avec moins d'appréhension et de prendre une longue pause avant le troisième, le temps de faire autre chose, comme par exemple, admettons, Persona 5, un jour. Ce qui veut pas dire que je vais faire une critique de Persona 5, ou des autres Trails of Cold Steel. Seul l'avenir nous le dira. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne la note de 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité absolue. Je donne donc aux deux premiers Trails of Cold Steel la note de 4 sur 5. C'est vraiment très bon. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!